mais j'entends plus la musique. La la la la la la la la la la la la la la. C'est d'octave, merde. Monsieur Vilo s'est demandé. Monsieur Phil est demandé. Trois de tension. C'est qui ça, trois de tension? Moi j'ai cassé mon vélo.